revenant sur la terre, je n'ai rien demandé, ni l'amour, ni la guerre, et tout nous fut donné. Ne tremble pas, ma mère, on a besoin d'aimer. Une fois en passant, ça vous fait passer le temps. L'aube de la rivière n'a pas de souvenir. Une fois en passant, ça vous fait passer le temps. Une fois en passant, ça vous fait passer le temps. Ne tremble pas, ma mère, songeant à l'avenir. Et garde ta prière pour ceux qui vont mourir. Le temps d'une amourette, le temps de dire oui, et de perdre la tête, ça va bientôt finir. Une fois en passant, ça vous fait passer le temps. L'aube de la rivière n'a pas de souvenir. Une fois en passant, ça vous fait passer le temps. Une fois en passant, ça vous fait passer le temps. Ça vous fait passer le temps.